que nous nous rencontrions à 4h du matin sur mon palier. C'est fâche, madame, que nous nous rencontrions à 4h du matin tout ensommeillé. J'aurais voulu vous comprendre, apprendre à vous apprendre, à faire rimer vos envies avec mes mélodies. Nous aurions pu à tout prendre tenter de nous entendre autrement qu'à travers ces murs, ces insomnies. À 5h du matin dans un café. Faudrait mieux, madame, que nous nous entretenions à 5h du matin comme si de rien n'était. Et nous pourrions entreprendre, tenter de surprendre à travers nos mots et nos envies. Nous ne pourrions nous méprendre sur cette évidence que les voisines ne partagent pas que le bruit. Madame, que nous nous en irions à 6h du matin voir le jour se lever. C'est ainsi, madame, que nous nous en irions à 7h du matin tout ensoleillé. À 4h du matin sur mon palier. C'est fâche, madame, que nous nous rencontrions à 4h du matin tout ensommeillé. J'aurais voulu vous comprendre, apprendre à vous apprendre, à faire rimer vos envies avec mes mélodies. Nous aurions pu à tout prendre tenter de nous entendre autrement qu'à travers ces murs, ces insomnies. Thank you.